تفضل من اليوتيوب يبلغ عليكم السلام. وكذلك أخونا سفيان الجزائري اتصل من الجزائر ويبلغ عليكم السلام. وكذلك أخونا عبد الله العاجي اتصل من جيبوتي ويبلغ عليكم السلام. ها عندك يا خالد الكتب نزلت من عند الله ولم يعصم الله إلا كتابا واحدا من ضمن هذه الكتب. لماذا ما عصم الله الكتب السابقة؟ الله سبحانه وتعالى a fait descendre plusieurs livres. Et de tous ces livres qu'il a fait descendre, il n'en a protégé qu'un seul ou préservé qu'un seul de toute falsification. Et ce livre protégé n'est autre que le Coran. Donc les autres livres qui précèdent le Coran n'ont pas été protégés de la même manière. Et ils ont fait l'objet de modifications et de falsifications. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas protégé ces livres-là de la même manière qu'il a protégé le Coran? La baisse. Qui peut nous répéter ça, mais avec plus de précision. C'est lui. لأن الفائدة مهمة صراحة. الفائدة التي مرت بنا مهمة. حمزة. لا بس لكن en fait c'est pas quelqu'un qui va t'écouter, il va pas vraiment comprendre. Il faut que quand on évoque la faïda, même si tu la retiens pas par cœur, mais tu retiens le sens. C'est important de retenir le sens, car avec le sens, une fois que tu as bien compris le ma'na, t'es capable d'utiliser cette faïda. Aïe, طيب ها عبد On y est presque là. هذه اقرب الاقوال. ايش عندك اسماعيل؟ En fait, vous avez loupé l'essentiel de la faïda. Donc c'est pour ça, on la répète. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre notre Torah. Tamam. En sachant qu'elle allait être modifiée. Tout de suite après, il a fait descendre un autre livre qui allait expliquer les passages modifiés. Fahimtum ? Ce livre-là, c'est quoi ? Al-Injil. Taïb. Mais il savait aussi que ce livre-là allait être modifié. De surcroît, il a fait descendre un livre qui expliquera les falsifications qui se trouvent dans l'Injil avec détail. Et ce livre-là, c'est lequel ? Le Coran. بعد القرآن هل في هناك كتاب؟ يا بعد ليب. دونك خلاص. Vous avez compris la faïda? Comment c'est-à-dire que pourquoi il a pas protégé les autres livres saints? Parce que tous ils se suivaient les uns les autres et que chaque livre qui était proie à une falsification, il était suivi par un livre qui allait expliquer le passage modifié. Tamam? Là, le Coran, après lui, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre qui succède au Coran. فلهذا كانت العناية أعظم فيه. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une place spéciale comparée aux autres livres. Car c'est le dernier. Donc il n'y aura pas un livre qui va venir nous préciser si jamais le livre se trouve dans un... ou si jamais on essaye de modifier ce livre-là, voilà. Il n'y aura pas un autre livre qui pourra nous expliquer que qu'il y a une modification. Donc comme c'est le dernier livre, voilà pourquoi le Coran fut protégé et pourquoi les autres n'ont pas été protégés. فَيَالِ حِكْمَةٍ بَالِغَ طيب سؤال آخر qui n'a rien à voir avec le درس لكن لأهميته il n'y a rien à voir avec le dars de l'aqidah, mais qui est à l'aqidah avec le fiqh. Sa'alani à l'ahad al-ikhwa wa jabi bahth jamil fi mas'ala min mas'a'il siyam. Taïb. Wa mas'ala hal al-istimna yufsid al-sawm. هل الاستمناء يفسد الصوم؟ Est-ce que ça c'est la question qu'un frère pose après avoir trouvé sur internet une recherche complète sur le sujet. Est-ce que la masturbation annule le jeûne? Tamam. Ouais. هناك عدة آثار وعدة أقوال من السلف من الصحابة كعائشة وآخرون تدل على أن عندهم خروج المني بحد ذاته ليس مفترا للصوم فالذي ماذا يلعب مع زوجته أو العكس دون المباشرة إن أنزل فعند كثير من أهل العلم لا يفسد صومه لكن الأكثر على أنه يفسد وهذا هو الصحيح أما مسألة الاستمناء فتعجبت جدا لما رأيت أقوال الشيخ الألباني وهو كذلك ما ذهب إليه شيخ مقبل ابن هادي الواجعي على أن الاستمناء لا يفسد الصوم لعدم الدليل في هذا الباب يعني نحن بغض النظر عن تحريم ذلك أما التحريم فليس هناك يعني إشكال فيه هذا محرم لكن هل هذا يفسد الصوم فعند الشيخ الألباني والشيخ مقبل لا يفسد الصوم والشوكاني كذلك والشوكاني وابن حزم personne, tu es Bilal. En ce qui concerne le sujet de la masturbation, on s'est étonné de trouver sur ce sujet les paroles de Cheikh Al-Albani ainsi que celles de Cheikh Morbil qui vont dans le sens que celui qui pratique cette chose-là, là on ne regarde pas sur le fait que c'est interdit. C'est interdit, voilà, chaque. Lakin, celui qui pratique cette chose-là, est-ce qu'il a perverti son jeûne? C'est Cheikh Al-Albani ainsi que Cheikh Morbil et ils sont de l'avis qu'il n'a pas perverti. Il n'a pas perverti son jeûne. Il n'a pas perverti son jeûne. Tamam. Et c'est aussi l'avis de l'imam Shawkani ainsi que l'imam Ibn Hazm. Justement, eux, ils disent qu'il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve qui indique que celui qui pratique cela a interrompu son jeûne. Non. Parce que les adillah, toutes les preuves, elles sont venues au sujet du rapport intime. Et les traces des compagnons qu'on a, comme celui de Abd al-Rahman ibn Auf, lorsqu'il dit que on lui demande est-ce que tu caresses ton épouse durant le jeûne, il dit na'am, il répond na'am, même ses parties intimes. Fa كثير من الأدلة تدل على أن خروج المني بغير جماع لا يفسد الصوم عند هؤلاء المذكورين chez les savants qu'on vient d'évoquer comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Morbil, Cheikh l'imam Al-Shawqani. لكن l'avis le plus juste, c'est que il annule bel et bien le jeûne. Il annule bien et bien le jeûne, car il y a quand même des preuves qui, même si elles ne sont pas explicites, elles sous-entendent. Comme le hadith Qudsi, en ce qui concerne le jeûne du jeûneur, Allah subhanahu wa ta'ala le vante en disant qu'il a délaissé pour moi taraka ta'amahu wa sharabahu. Il a délaissé pour moi sa nourriture, sa boisson, ainsi que son désir charnel. Et certains savants, ils font le qiyas entre l'istimna et le rapport intime, entre la masturbation et le rapport intime. Ils disent que c'est la même chose en vérité. Sahih fil mas'ala wallahu ta'ala a'lam. C'est que ça interrompt le jeûne et que celui qui commet cela, yani au-delà d'avoir commis un grand péché, il devra rattraper son jour. Je crois que j'avais vu aussi que, concernant ceux qui disent que en fait, le rapport intime et la masturbation, c'est la même chose, ouais. J'ai vu des réponses qui disaient qu'en fait, c'était pas clair. Pourquoi ? Parce que l'expiation, elle n'est pas la même. Sahih. Sahih. Sahih. Ahsan, t'es bilal. Bonne faïda de notre Bilal, qui dit que pourquoi les savants comme Cheikh Al-Albani ou Cheikh Morbil, ils disent qu'on ne peut pas comparer la masturbation avec le rapport intime pendant le jour de Ramadan, car bil ijma', selon l'unanimité des savants, l'expiation de ce péché-là, il diverge, il n'est pas pareil. Pour Mada. Ça, c'est dans la kafara. Là, on parle de. Non, l'expiation. Est-ce que ça annule les jeûnes ou pas ? Oui, mais en fait, ils veulent juste te faire comprendre que si ce n'est pas considéré comme étant la même chose, parce que pour qu'on puisse faire le qiyas, il faut que les éléments soient comparables. Donc, si là, ce n'est pas les mêmes. C'est pas la même comment ? Expiation. C'est pas la même expiation ici et là. Ça montre que la comparaison elle est déficiente. Mais malgré tout, il y a quand même des ressemblances avec cela. Donc les savants qui ont fait le qiyas, yani fi nazari yani qiyasuhum sahih. La siyama anna hunaka adilla ukhra. طيب والتي والذي يأتي أهله في رمضان في نهار رمضان عليه كفارة أليس كذلك؟ بلى. وعلى زوجته؟ ها؟ نفس الشيء. لا الصحيح أن الكفارة يعني تخص الرجل تمام، أما المرأة ليس عليها شيء من ذلك. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة أو حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. Et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a suscité des hommes, ou a suscité pour les hommes des messagers. ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد. Et nous croyons que le premier d'entre eux n'est autre que Mohammed. Le premier d'entre eux est Nuh, et le dernier d'entre eux est Mohammed. Le premier d'entre eux, c'est-à-dire le premier des messagers pour les gens de la terre. Le premier des messagers. Sinon, le premier des prophètes, c'est qui, Ismaïl? Le premier des prophètes? Adam. Ahsanta. Ahsanta. Le premier des prophètes, c'est Adam. Le premier des messagers, c'est Nuh. عليه الصلاة والسلام أو عليهم الصلاة والسلام أجمعين. إنا أوحينا، قال الله عز وجل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Ça c'est un dalil qui montre que Nuh fait partie des, ou est le premier des messagers envoyés aux gens de la terre. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، فبدأ بنوح ثم النبي والنبيين من بعده. وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام n'est pas le père de l'un d'entre vos hommes, l'un d'entre vous. Mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Wa anna afdalahum Muhammadun thumma Ibrahim thumma Musa thumma Nuh thumma na'am thumma Musa thumma Nuh wa Isa ibn Maryam wa hum al-makhsusun fi qawlihi ta'ala. طيب هذا الترتيب الله أعلم كيف. أما محمد أفضلهم لا شك، ثم إبراهيم فلا شك، ثم موسى كذلك فلا شك، أما نوح فضل على عيسى هذا في نظر، هذا في نظر. Ensuite il dit que le meilleur des messagers c'est Mohammed, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Nuh, Noé. Et ensuite, Jésus, fils de Mariam. Taïb. Le fait qu'il ait placé Jésus en cinquième position, c'est contestable. C'est contestable. Bel fi nadhari huwa afdal min Nuh. Huwa afdal min Nuh. Lianahu كما جاء في حديث عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني سماه كلمة كلمته. فالظاهر أن عيسى أفضل من نوح وإن كان كلهم من خيرة البشر. طيب وهم المخصوصون في قوله. طيب وكذلك هذا يا إخوان في فائدة عظيمة، الدال على خير كماذا؟ كفاعل celui qui indique un bien à quelqu'un, il est comme celui qui va le pratiquer. Alayhi sakadalek ? Non, ça veut dire que moi, je, مثلاً, j'enseigne la langue arabe aux gens. Si eux, ils apprennent la langue arabe, ils lisent le Coran et la Sunna, et ils comprennent, je prends des hasanat. Je prends des hasanat de leur effort, sans que rien ne me soit enlevé. Ou sans que rien ne leur soit enlevé. Allez, ça qu'est-ce que c'est ? Non. Fa min al-mutawaqqa' an alladhi dallaka 'ala al-khair aw kana sababan li hadha al-khair huwa afdal mink. Allez, ça qu'est-ce que c'est ? Fa cela peut sous-entendre que celui qui t'indique un bien, hein, il t'a indiqué un bien. Par exemple, il t'a indiqué l'islam. Tamam ? T'es rentré dans l'islam. Sadda. T'es rentré dans l'islam. Jusqu'à mourir dans l'islam. Et celui qui t'a indiqué, il est mort aussi dans l'islam. On pourrait dire que celui qui t'a indiqué l'islam, il est meilleur que toi, parce qu'il t'a indiqué l'islam. Hein ? Fahimtou ? نعم لكن في الإسلام ليس كذلك في الإسلام ليس كذلك هذا سيأخذ أجر على إسلامك ولا شك لكن قد تكون أفضل منه قد تكون أفضل منه أليس إبراهيم أبو الأنبياء فهو في الأصل أصل كل خير لمن بعده بل آدم عليه السلام أصل كل خير لمن للأنبياء الذين بعده لكن أهو الأفضل أم محمد محمد أفضل طيب عمر بن الخطاب دخل في الإسلام من قبل أخته و وزوجها. Il est rentré dans l'islam par la cause de sa sœur et de son mari. Tamam. Donc c'est eux qui lui ont montré le chemin de la guidée. Est-ce que ils sont meilleurs que Omar ibn Khattab? Là. Omar صار أفضل. فلهذا يا إخوان تيقنوا أن هذا الدين عظيم جدا. ويرفع كل أحد من الذين أرادوا الرفعة الحقيقية رفعة الدين et c'est une religion qui élèvera tout un chacun parmi nous ou parmi ceux qui recherchent l'élévation religieuse بالعلم والعمل والصدق والتقوى والورع تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين نعم فهذا وكذلك الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وبلغها كما سمعها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه الحديث لو البروفيت عليه الصلاه والسلام دي الله illumine le visage d'une personne qui a retenu ma parole qu'il a bel et bien compris qu'il a bel et bien comprise et qu'il a transmis il l'a transmise comme il l'a entendu après le prophète صلى الله عليه وسلم dit il se peut qu'une personne qui possède la science la transmette à quelqu'un qui est plus savant que lui ou qui sera plus savant que lui qui comprendra encore mieux le hadith même avec lequel il est venu. Donc le meilleur des prophètes c'est bel et bien le dernier c'est-à-dire Mohammed. Qala, wa na'taqidu anna shari'ata Muhammadin alayhi salatu wa salam hawiyatan li fada'ili shara'i'i ha'ula'i ar-rusul al-makhsusin bil-fadl li qawlihi ta'ala shara'a Allahu aw shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Et on a la ferme conviction que la religion avec laquelle est venu le prophète عليه الصلاة والسلام, la législation avec laquelle est venu le prophète عليه الصلاة والسلام, regroupe tous les mérites se trouvant dans les précédentes législations, c'est-à-dire les législations des prophètes précédents. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. Et on a la ferme conviction que tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés pour les êtres humains sont des hommes de sexe masculin. Il n'y a pas de femmes. Ce sont tous des hommes et ils n'ont aucune spécificité divine. Ils n'ont aucune spécificité divine. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. Nuh, il a dit à son peuple, je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah ou que je connais l'invisible ou que je suis un ange. Ça montre que le prophète, il n'a pas de, les prophètes n'ont pas de caractère divin. Wa amara Allah ta'ala Muhammadan wa huwa akhiruhum an yaqulu la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamu al-ghayba wa la aqulu lakum inni malak. وأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وأن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. نعم. Donc Allah سبحانه وتعالى a ordonné à son prophète عليه الصلاة والسلام lui aussi de dire à son peuple qu'il ne possède pas le moyen de leur être utile ou de leur faire du tort, et qu'il ne possède pas les trésors d'Allah Azza wa Jal, ni il n'a la connaissance de l'invisible. Tout ça pour montrer que il n'a pas de caractère divin. Il n'a pas de caractère divin. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُمْ عَبِيدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالرِّسَالَةِ وَوَصَفَهُمْ بِالْعُبُودِيَّةِ فِي أَعْلَى مَقَامَاتِهِمْ وفي سياق الثناء عليهم فقال في أولهم نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Et on doit avoir la ferme conviction que ces messagers sont des serviteurs, sont considérés et doivent être considérés comme des serviteurs. Des serviteurs de qui? D'Allah Azza wa Jal. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر سنأخذ غدا بقية الباب. On s'arrête là, les frères.